Eh bien, on va continuer à créer des imaginaires. Parce que, oui, voilà, Aymeric, c'est bien que tu te réveilles à ce moment-là. C'est précisément de toi dont on va avoir besoin. Puisque c'est ça, c'est exactement la mission qu'on a confiée au formidable Aymeric Lompré. Bonjour à tous, vous allez bien? J'ai rien entendu! Eh, vous devez deviner qui je suis. Désolé, je sens le fromage. Aymeric Lomprépus. J'aime bien ce mot. Non, Juliette, elle m'a dit « Sérieusement, tu vas commencer ta chronique par une blague sur le fromage de bite ?» J'ai dit « Non, non !» J'ai menti. Non, après, vous allez voir, il y a du fond. Il y a du fond dans ma chronique, ça va bien dénoncer. Allez, l'actualité. L'actualité, elle n'attend pas. L'actualité, c'est pas un vieux qui serait là. Vous voulez pas m'aider à descendre ma valise ? Non, pas toi, t'es un arabe. Putain ! Ils m'énervent, les vieux. Alors pas tous, hein. Il y en a j'aime bien, il y a les vieux j'aime bien, genre ceux qui vendent des barbes à papa, mais les autres. Putain, j'ai trop envie d'attraper leurs fesses qui pendouillent et tu sais les tirer comme ça, les rabattre sur leur crâne comme ça. Après ils feraient caca sur leur tête comme ça. Après, ce serait du caca de vieux sur les têtes de vieux. Ça serait, c'est pas encore là que ça dénonce. Alors non. Non mais la vieillesse, quel fléau, je suis sûr, c'est pas ce qui se passe, c'est pas possible, comment dire, le cerveau il vieillit, il se ramollit, il coule par le nez comme ça, et après ils sont là, Rima Hassan, elle a du jus de poisson nauséabond qui coule dans les veines. Pierre Perret qui a dit ça, Pierre Perret, le même qui chantait, elle est arrivée de Somalie, Lili, putain, Pierrot, dans 3 ans, il va chanter, on va crever les zodiacs à tous ces enculés de migrants. Mais y'a même plus de mélodie, Pierrot, bas les couilles, et le zizi. Non, mais la vieillesse, c'est un naufrage. Macron, il voulait reculer l'âge de la retraite. Pour les artistes, il faut l'avancer. Je te jure, Gérard Lanvin, il a dit à Cyril Hanouna, où tu iras, j'irai. Mais vas-y, fonce, go, on ne te retient pas. Monte dans un 3 tonnes, 5, fous ton ego dedans et dégage, direction le pays des poulpes. Putain, Pierre Arditi, il a déclaré, le wokisme et l'écriture inclusive, ça m'emmerde. Mais toi d'abord. Putain, mais qui reste au théâtre joue. Non mais. Qui reste au théâtre jouer où qu'elles sont mes clés. Putain, mais qu'on arrête de lui donner la parole. Il a fait toute sa carrière en disant le texte des autres. Bah quand tu vois la merde qui sort de sa bouche, c'est pas étonnant. Putain. Gaspard Proust. Non, lui, il est né avec. Lui, il était réac, il est sorti de sa maman. Il était là, poussez-vous les infirmières, je préfère parler avec un médecin. Alors, Julien Drey. Alors Julien Drey, c'est le mec qui a créé Touche pas à mon pote. Et là, tu le vois raconter de la merde sur CNews. Il est là, gni gni gni, le wokisme. Je comprends pas, c'est la dictature des wok. Remets-moi 18 bavettes. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous avec le wokisme? Putain, Trump, c'est la défaite du wokisme. Gni gni gni gni. Alors la définition du wokisme, c'est le fait d'être conscient des problèmes liés à la justice sociale et à l'égalité raciale. Bon, franchement, sur le papier, tu te dis, bon, ouais, c'est pas débile, quoi. Tu t'attends à ce que tout le monde adhère. Et il y en a, ils sont là, non, j'aime pas, remets-moi des clous dans ma soupe. Ah, putain. Non, mais j'ai l'impression qu'il y a un moment, il y a un âge où tu veux plus avancer avec la société. T'es là, tu bloques, t'es là, non, j'arrête, c'est bon, j'avance plus. Laissez-moi mourir ici, voilà, c'est bon. Par contre, je vais encore dire de la merde, hein. Voilà, quoi, marier des PD? Et pourquoi pas avec des animaux? On t'entend, Sylvie. Bon. Non mais à moi je pense que ça va m'arriver aussi, hein. À un moment je vais être là, non, il est hors de question que je change de chaîne en clignant de l'urètre. C'est ma vision du futur. Bon alors, on ne juge pas, chacun voit le futur comme il semble. Du coup j'aimerais bien vous demander un service à tous, quand je vais devenir réac, enfermez-moi dans une pièce avec CNews, vous me cousez bien le prépuce pour que je puisse pas changer de chaîne et vous me laissez mourir heureux en fermant ma gueule. Merci de m'avoir écouté. Merci Aymeric Lompré. Eh ben, il y avait du fond au final. Il y avait du fond. Il y avait du fond.